Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine pendant 3 heures, je déballe les CD reçus à la station pendant la semaine pour vous les faire entendre. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient, on y va complètement au hasard et on commence cette semaine avec le nouvel album de la formation Archive. Il s'appelle Lights et tout de suite, voici la pièce Sane dans le poste d'écoute. Dans votre radio campus à Trois-Rivières, le 89.1 FM, c'est fou ça! La formation Archive avec la pièce Sit Back Down, précédée de Sane, ici dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Donc Archive, un groupe de rock électronica progressif du Royaume-Uni. Allez voir le myspace.com/archiveuk, hein? Ou encore leur site officiel au archiveofficial.com. Sur leur MySpace, il y a plusieurs pièces à écouter, dont Sit Back Down qu'on vient d'entendre. C'est vraiment bon, j'aime beaucoup. Donc c'est Archive, Darius Keeler, Danny Griffiths, Polar, The Barrier, Dave Fenn, Maria Q, Smiley, Steve Harris et Jonathan Noyce. Encore une fois, myspace.com/archiveuk, et puis leur album s'appelle Lights. On écoute maintenant un des albums francophones qu'on a reçu cette semaine, et c'est le seul. C'est celui de Full Static, qui s'appelle En mode Jet Set. Et à l'instant même, voici la pièce La Dynamique. Et là, je rappelle qu'on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, mais que vous pouvez aussi aller voir le www.unechance.com pour suivre en même temps que nous tous les artistes qu'on écoute pendant l'émission. Et allez télécharger la balado diffusion aussi, vous êtes au 89.1 FM. La Dynamique. Ouais. Extrêmement douce, comme une chatte. Mademoiselle adore qu'on la flatte. Purement étonnante, elle m'épate. Quoi qu'il y arrive, elle retombe sur ses pattes. Dans ses fous délires, elle m'entraîne. Tant de temps de fuir, on s'enchaîne. Entre elle et moi, j'ai jamais eu de gêne. C'est sûrement pour ça qu'elle se te fille, je l'aime. Semi-électro, gentille fille qui adore faire la fête, qui boit jusqu'à s'en rendre ivre. Les yeux brillants et vraiment très smiley. Chérie, quand tu danses, c'est fou ce que tu peux être sexy. Cosmopolitain, oh ma belle, tu parais bien. Je pourrais te regarder danser jusqu'aux petites heures du matin. Ce fut une soirée parfaitement bien arrosée. Je te regarde prendre place et danser. Les gens te regardent et tu trouves que c'est ton mieux. Exerce tes pouvoirs de charme sur ces vicieux. Car on a du plaisir, y'a pas de gêne. Faire la faire sentir quelques soirs semaines. C'est cette dynamique avec elle qui m'interpelle. Et sûrement pour ça que c'est cette fille que j'aime. Je te vois te faire aller, tu bouges bien. Désolé de vous informer de ce malheur, messieurs. Mais son petit cul est le mien. Réellement aguichante et on ne peut plus jolie. Chérie, quand la musique rentre, c'est fou ce que tu dégages comme énergie. Consommation de mes vies dans ma la nuit tire à sa fin. Je te prends par la taille, te ramène au bercail. On devrait se rendre au vestiaire en mode tout le monde s'en aille. Ce fut une soirée parfaitement bien orchestrée. J'ai déjà calé le cap, Julie, on va rentrer. Conçu pour la télévision, la radio, vous savez ces émissions, c'est un show psycho, je sais. Je suis autantine et vaniteux, je me permets. Tout en gardant mon sérieux, ma vie me plaît. Tout semble réussir pour le mieux. Oui, je le savais, que ça valait la peine d'être ambitieux. Ma tête est pleine d'imagination, mon âge est à pleine destination. Ma destinée chantée de part et d'autre de la nation française. Choisons donc des chansons version française. Pour nous et nos cousins français. FS. On le surnomme Delirious, ce mec a beaucoup de clés dans sa trousse. C'est un vrai passe-partout qui nous ouvre tout grand les portes de ses clubs, ses bars et toutes ses meufs athlétiques. Ce type est rarement seul, chez lui y'a toujours de la visite et de la musique qui donne de la chair de poule. Beat to beat toute la nuit jusqu'à s'en faire des ampoules. Beat to beat toute la nuit jusqu'à s'en faire des ampoules. Comme des poules pas de tête, nous on danse toute la nuit. La plupart ayant des passes de fête, ne voulant pas partir, tenant fort leur bouteille, loin de ressentir l'ennui. Elles se dandinent devant le DJ afin de lui témoigner leur appui. Aïe, on a mal aux pieds, pas possible de s'arrêter. Ah non, tant que ce DJ, faut continuer pour pas lâcher tant qu'il est sur le stage. Mais je vous avertis, c'est jusqu'aux petites heures du matin, un peu comme dans un rêve. Fou esthétique, synonyme d'électrisant, mélodie énergisante et savoureuse à la fois. Signé Delirious et Media, nos chansons bientôt fredonnées de par-ci et de par-là. FS et Sam, c'est bon, ça sonne, c'est fort. Bien sûr que Fou esthétique vous en fera voir de toutes les couleurs. FS et Sam, tout nouveau, c'est bon, tout bon, c'est tout frais, c'est fort. FS et tout nouveau, c'est tout bon, c'est tout frais, c'est toutes les couleurs. Balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour soigner ma copine. Camisole, un petit t-shirt, peut-être même un justice. Aujourd'hui, on va faire du lèche vitrine. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour soigner ma copine. Pour soigner ma copine. Qu'est-ce que j'aime te gâter ma jolie. Je le fais de bonne foi. Et pour être gentil, serait-ce possible de lui donner ce qu'il y a de mieux. Peu importe ce qu'elle demande pourvu qu'elle soit heureuse. En vous rappelant qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et non pas toutes comme idée de vider nos portefeuilles. Je ressens un certain plaisir à tout lui acheter. Quand elle est avec moi, tout lui est donné. Jamais elle ne paye quoi qu'il soit. Une balade de son trou, ça se refuse pas. Aujourd'hui on va faire du lèche vitrine. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour soigner ma copine. Un parfum classe ou un kit pour son jogging. Aujourd'hui on va faire du lèche vitrine. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour soigner ma copine. Pour soigner ma copine. Je t'achète un jean taille basse pour voir ton rack à poux. Je te fais don de ces déshabillés torrides. Oh, qui me donne la frousse. Mais j'ai pas déjeuné encore. Il faut que je casse la croûte. Pendant ce temps-là, je vais aller me faire coiffer. J'ai une sacrée repousse. Mon grand plaisir est de te voir combler. Quand je vois ton sourire, copine, il me vient beaucoup d'autres idées. Juste à penser à ton sex appeal, je me sens déjà tout ce soir et je vais écouter. Ouais, c'est sûr, ce soir tu vas écouter. Position assise, oh ouais. Debout, couché. Dans notre grand lit king ou sur la table à dîner. Mais fais gaffe à mon nouveau déshabillé, bon. Pour ne pas l'abîmer. Sofa, futon, lit et divan. Ce soir nous vacillerons entre eux afin de passer du bon temps. Sofa, futon, lit et divan. Ouais, ce soir nous vacillerons entre eux afin de passer du bon temps. Aujourd'hui on va faire du lait juteux. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour choyer ma copine. Aujourd'hui on va faire du lait, vitrine. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour choyer ma copine. Camisole, petit t-shirt, pas de maman du string. Aujourd'hui on va faire du lait, vitrine. Se balader au centre-ville, faire un peu de shopping. J'aimerais bien trouver quelque chose pour choyer ma copine. Pour choyer ma copine. Une balade au centre. Oh ouais. Un petit choc. La musique de Full Statique dans le post-écoute. Oh oui, c'était très bon ça. Balade au centre, c'était le nom de la pièce. Juste avant, c'était sous les projecteurs et on a débuté avec la dynamique. Ça vient de leur nouvel album qui s'appelle En mode Jet Set. Parlons un peu de Full Statique. Vous connaissez peut-être un des membres du groupe, Danny Chrétien, qui anime Séquence Électro ici même à C'est Fou les jeudis soirs. Donc, Full Statique, c'est un groupe d'électronica French Pop Electro de Montréal, Québec. myspace.com/FullStatique-site. Donc, Full en français, F-O-U-L-E, Statique, S-T-A-T-I-K, et puis site. Les membres donc sont Danny Chrétien, alias DJ Delirious, Frédéric Côté, alias Média. Donc, ils vous disent, si vous aimez l'électropop, alors vous êtes au bon endroit, au bon site, à la bonne place. Full Statique est un groupe récent composé de deux musiciens talentueux, deux amis de longue date, Media et DJ Delirious, qui s'associent pour vous fabriquer de toutes pièces dans leur studio des hits, des tubes et des tracks. Album disponible maintenant, c'est tout nouveau, c'est tout bon, c'est tout frais, c'est tout chaud. Dit-il sur leur MySpace, donc je vous rappelle l'adresse myspace.com/FullStatique-site ou fullstatique.com. Leur album s'appelle En mode Jet Set et Danny Chrétien anime Séquence Électro ici même assez fou les jeux du soir à partir de 19h. Ça vous intéresse d'écouter ça. C'est très bon comme musique. Juste avant Full Statique, on a entendu Archive et j'ai retrouvé un petit document de presse. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé Archive aussi. À date, Archive et Full Statique, c'est très bon. Donc, renseignons-nous. Le long parcours d'Archive inclut une multitude de collaborations et une évolution dans sa sonorité qui a su garder envoûtés les amis et admirateurs du groupe. Occupant déjà une place de choix sur les affiches des grands festivals européens et jouissant d'une grande popularité en France, en Pologne, en Allemagne et en Grèce, ce formidable collectif de South London en Angleterre est mené par l'écriture et les performances de Darius Keels et Danny Griffiths et soutenu par les guitares et les voix des co-compositeurs Pollard Barrier et Dave Penn. Sous les couches polies de leur musique, vous décèlerez des échos de Pink Floyd, Radiohead, Mogwai, Kraftwerk et plusieurs autres. Dans un monde où ce qui est criard et creux est trop souvent décrit comme épique et héroïque, la production musicale d'Archive se dévoile avec profondeur et charme, avec malice et magie. Leur célébrité ne les a pas privés de leur ingéniosité. Je vous rappelle encore une fois les adresses de Archive, c'est archivemusic.net, archiveofficial.com ou myspace.com/archiveuk. Vous pouvez toujours retrouver les liens en tout temps sur le site de l'émission au www.unechance.com. On reste dans l'électronique, on s'en va entendre Alicia Gatto avec son nouvel album qui s'appelle Remix for Change. En fait, c'est des remixes de pièces de Alicia Gatto, donc c'est pas tellement un nouvel album. C'est des pièces remix par Brad Walsh. On commence avec Hourglass tout de suite. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou ça! We'll be right back. Reste dans le poste d'écoute. Après la pause, on écoute plus de Alicia Gâteau et on découvre un nouvel album avec Willie Nelson et Wynton Marsalis au 89.1 FM. Out of me. poste d'écoute. Gatto avec Unconditional BW Remix, précédé de Can't Take the Good et Hourglass, deux autres remixes de Brad Walsh, de pièces de Alicia Gatto. Alicia Gatto qui a une drôle de campagne autour de son personnage. Elle est tenue en captivité, elle est prise en otage, etc. etc. Et là, il faut la sauver sur savealicia.com, Alicia A-L-I-C-I-A, ou encore myspace.com/Alicia Gatto, qui dit que le 25 ans, elle est à Hollywood, en Californie, c'est là qu'elle vit. Et puis, elle fait de la musique. Elle est une messagère, faut savoir. Chanteuse, auteur-compositeur, interprète, coach de vie. danseuse à la retraite, son premier amour, et puis elle a essayé d'être actrice aussi. En tout cas, c'est ce que son MySpace dit. Et là, chaque texte qui est écrit d'elle dit « Currently in custody » par-dessus. Donc, elle est présentement enfermée, quelque chose du genre. Donc, l'album sort le 30 juillet. Sûrement qu'on va apprendre plus de choses à son sujet à cette date-là. Donc, son album EP s'appelle « Remix for Change ». C'est des pièces remixées de Alicia Gatto. Allez voir le save alicia.com. Proceeds go to change. Donc, l'argent des CD va vers le changement. Ça dit, c'est plus que de la musique, c'est un mouvement, ce que Alicia Gatto fait. Donc, elle dit que c'est révolutionnaire et qu'elle veut changer la face de la musique pour toujours. Très, très, très crédible. On continue avec de la musique complètement différente. Et ces deux-là ne veulent peut-être pas changer le monde, mais ils ont sûrement changé la musique et influencé bien des gens. C'est Willie Nelson et Wynton Marsalis. Leur nouvel album s'appelle Two Men with the Blues. Et tout de suite, voici Bright Lights, Big City, dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble. Quelle belle mission au 89.1 FM. C'est fou, ça! Big city, gone to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light, baby, gonna need my help someday. Go light, pretty baby, gonna need my help someday. You're gonna wish you'd listen to some of the things I say. Thank you. yourself out. I said, go ahead, pretty baby. Go on and knock yourself out. Well, I still love you, baby, but you don't know what it's all about. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Goes down, you're gonna find me hanging around. A nightlife ain't no good life, but it's my life. Many people just like me. Used to be easy. And the nightlife ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues they're playing. The blues are saying, mine is just another sea. From the world of broken dreams, the nightlife ain't no good life. listen to the blues. And listen to what the blues are saying. Just another scene from the world of broken dreams, and the nightlife ain't no good life, but it's my life. Feet, long, lean, and lanky, ain't it nothing to eat, but I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, what makes your big head so hard, my woman? I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Et Wynton Marsalis avec leur nouvel album Two Men with the Blues. On vient d'entendre la pièce Caldonia, précédée de Nightlife et de Bright Lights Big City. Donc, album collaboratif entre Willie Nelson et Wynton Marsalis. Donc, une légende du country, une légende du jazz. En fait, les pièces sont des reprises, si je comprends bien, parce que la première vient de Jimmy Reed, l'autre écrite par Nelson Breland Busker, et puis l'autre par Tracy Moore. Donc, ça vient de différents albums ou étiquettes. Willie Nelson et Wynton Marsalis, qui n'ont pas vraiment besoin de plus de présentation que ça. On continue avec un album canadien de la formation Swank. Il s'appelle Campfire Songs. Songs. Et voici tout de suite la pièce Drunkard's Damnation Jamboree. Vous synthonisez le poste d'écoute au 89.1 FM. You can find us there, drinking the dog's hair, pair of the hounds of beer, you and me. Rope and tie them on, them doggies getting gone. At the Drunkard's Damnation Jamboree. We're getting high. Making, drinking, and singing songs. We're getting born. Glad you joined us, the night is long. Let's have another. That joyful sound, we may be dead, but you must agree. Heaven's not for us, we're too boisterous. At the Drunkard's Damnation Jamboree. So don't shed a tear, cause I wound up here. Barely all it's cracked up to be. In fact, it's so much more, they got a music store. At the Drunkard's Damnation Jamboree. We're getting smashed. Sing along. We're getting high. Picking, drinking, and singing songs. We're getting bold. Glad you joined us. The night is long. Clouds they rain down on your parade. The walls go blown out to the sea. You've reached the bitter end, but brother, you got friends. At the Drunkard's Damnation Jamboree. The Drunkard's Damnation Jamboree. The Drunkard's Damnation Jamboree. Oh yeah. De cette petite émission qu'on appelle le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Donc, dans cette deuxième heure, il va y avoir pas mal de musique diversifiée, un peu comme toujours, mais tantôt, à la fin de la première heure, on était en train d'écouter la formation Swank avec leur album Campfire Homes. Deuxième pièce tout de suite, voici Tragic Suit dans le poste d'écoute au 89.fr. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Ouais, c'est fou.ca. Stetson hat looks to have been crushed by passers-by. I've been hung out to dry. I've been hung up and out to dry. And I don't even know why. Empty pavement. scratching spots. Folks may ask if I've been shot. I don't know, is my reply. I sold the milk, a fingered smear, smudged across how I got here. The clouds, my thoughts that vaguely fear, we might be verified. Oh my. Down alive, the 5 days of growth and blackened eyes, hit a lump's liver of rye, a drunken lullaby. Sordid stains, revealing clues, coffee, ketchup, blood and booze. This tragic suit and troubled shoes, been hung up and out to dry. An undercover agent out, a jewel thief, a roustabout. Last night I was a talent scout, anything but a barfly. And it's just a rough and callous patch that's left me lying on my back. But I'll be back with a plan to hatch before you can blink an eye. I've been hurt. Le poste d'écoute. You're a hard drinking, no thinking, pot bellied, booze sticking, ass wiping, corn swabbing, waste of skin, a backstabbing, jaw flapping, foul tempered, fist grabbing, money grabbing, grease tub, but you're my kin. Hey, yeah! Drinking all my whiskey. Hey, yeah! Sleeping in my bed. Hey, yeah! When I wed, you're a boot-licking flea-picking dog that needs an ass-kicking, car-cheating, rotten meat and maggot fly, a corn-cobbing, booze-robbing, lazy lion, slack-jobbing, fly-buzzing, hey cousin, say goodbye. Hey, yeah! Breaking all the windows. Hey, yeah! Cussing everyone. Go ahead! You best believe it. Baby! Loading a shotgun. Puss-pitted, dull-witted, underwear's all skidded, sour in his dog's been a pain in the ass, a bad smelling known felon, rotten reeking watermelon, mutton chopping, peel popping, trailer trash. Hey Jeff, gonna string you up some. Hey Jeff, leave you high and dry. Hey Jeff, worn out, you're welcome. Hey Jeff, I think you know why. Hey Jeff, fallin' in the kitchen. Hey Jeff, drunk as a skunk. Hey Jeff, burn in your britches. Hey Jeff, your drunkard's drunk. Hey Jeff, your drunkard's drunk. Hey Jeff, your drunkard's drunk. Hey Jeff, you're a drunkard's drunk. La formation canadienne Swank avec leur album Campfire Psalms et la pièce Ajab précédée de Tragic Suit et de Drunkard's Damnation Jamboree. Swank, un groupe de rock country punk de Vancouver en Colombie-Britannique. C'était bien, mais j'ai rarement entendu un CD enregistré aussi pas fort. Sérieusement, c'était vraiment... Il fallait se mettre l'oreille sur la radio. Enfin bon, donc, groupe de Vancouver, comme je disais, leur album est assez spécial parce qu'il y a un CD musical, mais aussi un DVD bonus karaoké. Oui, karaoké, c'est spécial. Spencer McKinnon, Phil Addington, David Bedanik, Kirk Douglas et Doug Little sont les membres de ce groupe. myspace.com/ I Want Swank ou encore iwantswank.com. Ce sont leurs sites web. Ils sont en tournée en ce moment en Colombie-Britannique, en Alberta et puis ailleurs, probablement plus tard. Donc Swank, l'album s'appelle Campfire Psalms. On continue avec quelque chose de rock. C'est Alejandro Escovedo. Son album s'appelle Real Animal. On s'en va entendre, comme toujours, les trois premières pièces de l'album. C'est l'idée d'un poste d'écoute. C'est ce qu'on fait tous en magasin quand on écoute un CD. C'est les premières pièces. On va entendre Sister Lost Soul, Chelsea Hotel 78. Mais tout de suite, voici Always a Friend dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. Le poste d'écoute. She walked on 7th and 23rd. We came to live inside the myth of everything we'd heard. The poets on their bar stools, they just love it when it rains. They comb their hair in the mirror and grow addicted to the pain. And it makes no sense. And it makes perfect sense. And it makes no sense. And it makes perfect sense. On Neon Leon, Spider and the Boys, just before the cops arrived and took off with the noise. It was nothing special, just another bar. The Max's Kansas City life makes everyone a star. And it makes no sense. And it makes perfect sense. And it makes perfect sense. And it makes no sense. And it makes no sense. And it makes perfect sense. Come and help us sit. We went down and looked around. The dealer let us in. We thought he was hysterical. The knife, it was a joke. Don't know if he did what he said he did. Nobody really knows. I stood out on the sidewalk when they busted through the door. In a white tuxedo jacket, cop had him by charm. He loved to show off that thing. Nobody knows for sure. We know he found Nancy in the black underwear. Down on the bathroom floor. Had a Chelsea wants on 7th and 23rd. We came to live inside the myth of everything we've heard. The poets on the bar stools, they just love it when it rains. They comb their hair in the mirror and grow addicted to the pain. It makes no sense. And it makes perfect sense. And it makes perfect sense. And it makes no sense. R, R, depuis 10 ans, 10 ans. Yeah, c'est plus vite que moi, ça. 4-4-89-1-1. Nobody left unscarred. L'album Real Animal de Alejandro Escovedo. Ici dans le poste d'écoute, on vient d'entendre la pièce Sister Lost Soul précédée de Chelsea Hotel 78 et de Always a Friend, les pièces qui ouvrent son album Real Animal. Alejandro Escovedo, qui est un artiste rock de Austin au Texas. AlejandroEscovedo.com ou myspace.com/AlejandroEscovedo. Alejandro avec un J. Allez voir lunechance.com si le lien vous intéresse et il vous échappe en ce moment. Il est en grosse tournée là, vraiment partout aux États-Unis. Il fait, on dirait, chaque état selon son MySpace. Donc voilà, et l'album s'appelle Real Animal. Très intéressant. Les membres, il y a David Polkingham, Susan Voiles, Hector Munoz, Brian Sandifer, Josh Graben et Alejandro Escovedo. On continue dans une veine rock, encore une fois, avec le nouvel album de Holocaust qui s'appelle Best Before Holocaust, 100% Pure Live Jams. C'est 100% improvisé, jamais enregistré en direct, gardé réfrigéré, que ça dit sur l'album. On commence avec l'introduction qui s'appelle Short Term Epiphany. Ce sera suivi de Coffee Zone. Je ne sais pas c'est en quelle langue ou comment le prononcer. Coffee Zone? Dans le poste de que on a fait faim. Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. Au retour, une autre pièce de Best Before Holocaust et on découvre l'album Hostile Hits du rap francophone dans le poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Troisième pièce de la formation Best Before Holocaust. C'était New World Order. Oui, comme dans New World Order, mais avec Order. Justement, c'était Coffee Zone et Short Term Epiphany qui ouvre l'album, qui est 100% improvisé, jamais enregistré en direct. Mm-hmm. Ça dit même dans la pochette, ça dit « All songs were spontaneously composed during their performance ». Donc, Zuff Crawford, Edwin Gibbett, James Adam et Sean Lucive. Mm-hmm. Très bon jam. Moi, j'aime vraiment ça. Adorable. Ça dit donc complètement improvisé. Quartet. Mm-hmm, quartet. GarageBand.com, /artist/best-before-holocaust. Donc, la formation s'appelle Best Before Holocaust. Vraiment, vraiment pas grand-chose à trouver sur Internet de leur part. Je sais pas comment ils font pour survivre sans l'Internet. Mais bon, ils doivent avoir des fans quand même qui les suivent dans leur performance. On continue avec un album de rap francophone qui s'appelle Hostile Hits. Oui, Hostile Hurts. C'est du label apparemment Hostile, de label Hostile, une division de EMI Music France. On va entendre trois pièces DMs, précédées de Demon One featuring Soprano, mais on commence avec Rough featuring Natty. Voici le son qui tue. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois, en même temps que tout le monde, dont moi, au 89.1. We'll be right back. évident, je viens innover, faire des lovés. Toute évidence, faut marquer pour voir la foule se lever. Des profs de crever, diplôme, ni CFA, ni PAFA. Ni CAP, juste baffé à travers les PAFA, ça le fait. Je viens d'en bas, je crache un molar en monarque. Je maîtrise mon art de zonard, plus d'une flèche à monarque, connard. Je connais plus de tricheurs que de gens honnêtes, des dollars, des fumeurs. C'est des mecs qui vont se faire fumer, des présumés tueurs. Mon son tue, fait de l'oseille, éveille les frères dans la mer. Les tournesols s'ouvrent au soleil, les fleuves jettent dans la mer. Le chant de la survie, traumatise ta chaîne ni vie. Trop de son pour une vie, trop garçon pour une fille. Tu me laisses tranquille, tu me oh là oh là. Je connais déjà. Prends soin, t'inquiète moi, j'suis là, j'suis là. Ma tête est une boule folle, ma tire au micro folle. R.O.A. je sais que tu dégommes, dégommes. Tu me laisses tranquille, tu me oh là oh là. Prends soin, t'inquiète moi, j'suis là, j'suis là. C'est la musique de ma zone, nous la chantons des hommes. Comme un gueule, on dégomme, dégomme. Range-toi dans mon camp, mon son est très élégant. Un ex délinquant se montrant très éloquent. Les gros poissons mordent à l'hameçon. Posant la graine, font tirer le son. J'ai l'art et la manière, faire pisser le son. J'ai à faire doucement, tout dans la lourdeur. En débardeur, mesdemoiselles, veuillez calmer vos ardeurs. J'ai rafraîchi les endettés, les détenus attendent ma venue. C'est le son de la canicule, mon véhicule chauffe la tenue. Ma zik est fatale, approprié aux grosses bagnoles. Mon son c'est le taureau, j'suis le matador paro qui pleure aux espagnols. Qui met des torgnoles, fais pas le mariole. Inch'Allah, j'finisse pas gardien de parking comme Arnold. Je ne crois pas, je rappe sans effets spéciaux sur des bestiaux, mélodies de cas sociaux. Je mets des gifs de cowboy avec des man maçons. Les journalistes trouvent les questions, moi je trouve les caissons. R.O.A. de la Fénatil sous son rythme, mais DJ coupe le rythme quand je dis le raga c'est le rap c'est tout le monde répète. Tu me laisses en qui tu nous oh là oh là. Compte sur moi, t'inquiète moi, j'suis là, j'suis là. Poste d'écoute. Soprano, Demon One, Oula. Marseille. Je connais ce regard insolent et insouciant. Ce qu'on caresse est un menaçant. Tout ce sera passé dans un bloc à fumer. Avec ses portails et les cours pour aller zoner. Je connais ces bagarres, ces histoires de territoire. Ces histoires de respect qui se règlent le soir. Cette envie de croquer le monde. Tous ces œufs jetés quand les flics faisaient leur ronde. Oh, moi aussi tout comme lui. Je prenais le mic, rappé toute la nuit. Toute la picaille était mes ennemis. Je hôtais la voix sur toute ma famille. Oh, je calquais les gestes des grands du quartier. Me prenais pour les vrais face aux petits des quartiers. Malgré tout ce qu'on dit, regarde un peu comment on a fini. Oh, tous ces jeunes envoient des blocs sans espoir. Ceux qui gaspillent leur jeunesse dans espoir. Ceux qui avancent sans repère tard le soir. Cette jeunesse n'a pas appris le mot victoire. Moi aussi j'ai connu ces jours sans fin devant le hall. Les soirées sur un parking, on s'avoue où ça pétole. Le week-end j'allais chercher ma petite pochette sur Astadam. Je restais chez Blot pour la console toute la journée dans un local. J'ai fait les soirées, j'avais de boire dessus, de sel, de briller, de noyer. Top pizza dans une piscine de billets, je me prenais quand j'étais sous le tweet pour Superman. Alors que dans ma tête et dans mon cœur j'allais super mal. Plein de rêves dans la tête et pas un sou dans la poche. J'étais comme eux, rien à perdre dans la merde sous un Porsche. Moi aussi je voulais devenir mon pote le boss de la ville, rouler en Porsche. D'un écrit de vivre, toi d'argent facile. Je me posais plein de questions,

La compilation Hostile Hits de l'étiquette Hostile Records de France. On vient d'entendre Diams avec la boulette Génération Nan Nan. C'était précédé de Demon One featuring Soprano avec J'étais comme eux et de Ruff featuring Natty avec Le son qui tue, donc Hostile Hits. Allez voir le hostile.fr, hostile.fr. Et si vous voulez des informations sur les artistes, Ruff, c'est ROH2F.com, le chiffre 2F.com, Demon1.fr ou encore Diams, le site.com. Les liens sont comme toujours sur le www.unechance.com. Ça fait beaucoup trop de choses à retenir sinon, donc allez voir directement le site de l'émission Le Poste d'écoute au www.unechance.com. On reste dans le domaine du rap, mais on passe du côté anglophone. On va aller entendre l'album Main Offenders de la formation Depth Perception tout de suite dans Le Poste d'écoute. Thank you for coming in. It should only take a few minutes. Au 89 FM. Just give me a moment to get everything set up. All right, we're going to start by getting a baseline reading. I want you to tell me which is better, one or two? Two. All right, one or two? Two. Okay, one or two? One. And one or two? Two. All right, let's begin. I want my crew to perform at the Juno Awards before the world is destroyed by a nuclear war. This my tour de force, I'll be shooting a score. You never see my shit get reviewed in the source. I'll be feuding with swords on the two and the four. I'm that real damn rapper that they choose to ignore. My rhymes got more gems than a jewelry store. The ammo is the shit, the click that you can feel. We moving LPs without a distribution deal. If the music's real, then the fans are impatient. Main offenders, dog, we Van City's greatest. Household entertainment, the most anticipated. Rapping on stages for a standing ovation. Straight back to the basics for the sake of it. It is what it is, you get what you take from it. Haters hate, but face to face they say nothing. This is our triumphant return. I bet you never thought we would rise up from the dirt. We don't complain that life sucks cause we learned. In the end, you probably find what you deserve. And we don't wanna die struggling for words. Making songs so that their time is up on this earth. And saving every $5 that we earn. Cause in the end, it's for more than prize money is worth. The main offenders best to watch is how we freak the rhythm. Yeah, finesse the beat the way that Austin Powers frees the women. Above your head, it's like a toxic cloud that leaks emissions. I train my lungs with the rocket powered diesel engine. I'm not the type that likes to talk too loud but keeps his distance. Except for when I'm rocking crowds off the ground, your feet are lifted. I'm like a parent, but this problem child's extremely gifted. And it's apparent that you're not allowed to see the difference. Cause if you did, you know your garbage style's in need of fixing. Matches syllables, but lost a count of way they weaved and twisted. He's mean and vicious like a crocodile that eats his victims. Dropping lethal mixes into office tower heating systems. Preconditioned from an early age to be the sickest. So watch your mouth or we'll wash it out like cleaning dishes. Lost in doubt when I talk about my deep convictions. Profit now, cross the Nile where the reeds are thickest. This is our triumphant return. I bet you never thought we would rise up from the dirt. We don't complain that life sucks cause we learned. In the end, you probably find what you deserve. And we don't wanna die struggling for words. Making songs so that their time is up on this earth. And saving every $5 that we earn. Cause in the end, it's for more than prize money Yo, is worth. There's never a dull moment whenever I'm rocking beats. I'm getting the ball rolling like Mexican soccer teams. Or tennis and lawn bowling. You'll never be stopping me. I meant it, I'm not joking. I'm destined to follow dreams together. I wanna be when a record is gone golden. The skeptics are all showing the depth of the songs released. I'm expressing my thoughts, hoping the veterans on the scene will accept that we got dope and respect that we're all unique. And no question my honesty. Success is a long process, the lessons are ongoing forever and constantly at incredible awesome speeds. Perception is on the streets, a precious commodity in a desperate economy. So empty your pockets, please, and collect this hip-hop CD of professional quality. That's a message to y'all MCs offended who want some beef. Every sentence is on point. These intelligent John Doe's have perfected the multi-schemes. This is our triumphant return. I bet you never thought we would rise up from the dirt. We don't complain that life sucks cause we learned. In the end, you probably find what you deserve. And we don't wanna die struggling for words. Making songs so that their time is up on this earth. And saving every $5 that we earn. Cause in the end, it's for more than prize money is worth. Do you know how to use this weapon? Not really. That weapon will replace your tongue. You will learn to speak through it. And your poetry will now be written with blood. Mm-hmm. yo, am I insane or are we almost at the final stage? What happens when the giant quake and tidal wave annihilate survival rates in the ragged shape when it's dire straits? We need to realize our fate supplies a faint. Have we will live to reach the ripe old age of 98? Have science majors at Simon Fraser studied the climate change? An ultraviolet race to try to find out when the ice will break? Or rising plagues are spreading like a virus made for cyberspace? Myths of crying shame will die in vain. But the United States are two-time its snakes, and there's a price to pay. As night and day, the fighter planes are doing silent raids, while little kids are throwing live grenades down their fire escapes. And it's kinda strange how times have changed. It's got me quite afraid we might just disappear like the Mayan race. It's crystal clear that we've yet to do good, so I'll address what I should with rifles aimed at the White House gates. And by the way, if I'm at President Bush, I'd get aggressive and push him and then step on his foot, strike his face, and then I'd sentence him to death in the hood. Or leave him arrested and put inside the pen with the crux to do whatever it took until he rested in wood. And for those that don't agree with me, the rest of them would. So I don't want to hear you say he did the best that he could, because the truth is evident that you elected a wuss. Just take a second to look back at the chapters and read slow what you read in the books about how Iraq is a lead role in the axis of evil. Well, there's African people that are snacking on beetles while you're having a T-bone. It seems cold, but we weren't born free, and when the earth core leaks, we will burn for greed. These fools can go ahead and try to yearn for peace, but I for sure foresee there'll be a World War III. Now the government is claiming that the problem of AIDS was just an awful mistake that we done caught from the apes. It's got me always afraid, thinking the condom will break. They build us up to knock us down, it's like a dominoes game. I got abdominal pains from this McDonald's again. Well, barrels full of toxic waste sit at the bottom of lakes. The ozone is getting larger than the poverty rates. They got us locked in a cage, it's like Guantanamo Bay. I got a plot to escape what they have planned out for me, but I am not gonna take no bloody handouts for free, cause the greed is spreading fast than the mad cow disease. How can we ignore the global warming and the rain? Sending troops to go to war against Saddam Hussein, when the way I really see it, it's Saddam Hussein. Cause George Bush has lost his marbles, he's so damn insane. And they contaminate our water while they plan in raids, as they tax and take the dollars from the poorest of class, and recruit a few to send them to the war in Iraq. But there's a war in Sudan, we've been ignoring the facts. And to think it all started for some oil and some gas, they're just some spoiled little brats. And I discovered what the truth is, they handing out prescriptions for the drugs you've been abusing, cause the government's in ruins. And I come to this conclusion, only way to make a change is to touch them with the music. Places on the planet where the block is looted. And if I talk the awful truth, then I get prosecution. With prostitution, it's a wrong to do. It's almost stupid not to do it, cause the Constitution lets the cops shoot them. It's not solutions, got the better answers here. We need to stop abusing, using pressure tactics, fear. They sell us tax cuts, so the rest will stand and cheer. Well, my grandpa's pension plan's only $7,000 a year. These types of problems are microcosms, they just got plated armor. Natives, hydroponic tomato farmers, and NATO bombers. With pot smokers who buy Joe Britton. Sick and smarter, now your favorite author, stockbroker, is your pagan martyr. They trade the barter system in for this agrarian crystal carrier, fish aquarium to put the labels on us. Consider this a criticism of your prison system. Little kid who raped his neighbor's daughter, so he pistol whipped some cops across the street to stop the beat. The father didn't listen, now he's on his fifth conviction, all because his skin is different. See, I don't preach a way to live, I think it's best to listen. If we're free, there's blatant contradictions in your definition. Take a second, bitch, your gas was 7 cents a liter. Back with presidents, the leaders used to represent the people. Shit's injected into beef cause it protects against diseases. Then you fed your kid the pieces, so our estrogen increases. L'information de Rap Depth Perception dans le poste d'écoute. On vient de les entendre avec la pièce For Heaven's Sake, précédée de Triumphant Return et de l'introduction du disque qui s'appelle Intro. Intéressant comme nom de pièce pour ça. Donc, Depth Perception, leur album s'appelle Main Offenders et c'est du rap. Hein, vous l'aurez deviné. Allez voir le lien sur le www.unechance.com. Il est là, comme tous les autres de l'émission d'aujourd'hui. Dans la troisième heure, on va entendre surtout de l'électronique. On va entendre la formation Supermarket avec Radio Demo. On va aussi avoir 8 Cube. Il va y avoir de la musique expérimentale avec Samarkandé de Fillon Lamirande. Et puis ensuite, il va y avoir de la musique canadienne avec l'album One Boy's Guide to the Moon de Quincy. Mais avant ça, c'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. Donc, on se quitte comme ça. Et puis, allez voir le www.unechance.com encore une fois pour tous les liens d'émission. Et allez voir le www.cfou.ca pour écouter en direct sur Internet. Restez là! Troisième heure de votre poste d'écoute ici à C'est fou, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Il nous reste de l'électronique à entendre aujourd'hui. Ça va être très, très bon. Beaucoup d'électronique, trois albums différents. Il y en a un là-dedans qui est de la musique expérimentale. Donc, ça va vraiment changer les choses là dans le principe de l'émission. Ça va être assez spécial. On va aussi avoir un band canadien vers la fin de l'émission. Mais avant ça, on commence avec Supermarket. Leur album est un Radio Demo Not For Sale. Oui, 2007-2008. Donc, c'est un sampler. Là, je lis directement de la pochette en anglais. C'est super le fun. Un sampler de tracks d'un projet audiovisuel de Adelaide en Australie. Ça s'appelle Supermarket. Si vous voulez plus d'informations, c'est reverbnation.com/supermarket ou encore danimations.com.au/supermarket. On va entendre les deux premières pièces. Il n'y a pas Fin Away tantôt, mais avant, voici Urban Spice dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. C'est fou dans vos oreilles. Australienne Supermarket de Adelaide. Mm-hmm. Electronica Dance, Drum and Bass, Breakbeat, reverbnation.com/supermarket. Vraiment, vraiment très bon. Donc, c'est une dose expérimentale de musique et d'images électroniques originales livrées en direct avec accent sur chaque pièce. Breakbeat de différents tempos qui vont du dub au glitch jusqu'au dancehall, drum and bass, vidéo, animation, imagerie, celluloïde. De l'abstrait à l'échantillonner et au remixer. Donc, encore une fois, reverbnation.com/supermarket ou encore leur site officiel au danimations.com.au/supermarket. C'est vraiment un des albums que j'ai préféré jusqu'à maintenant cette semaine. J'adore ça, c'est vraiment très, très, très, très bon. On va entendre quelque chose qui m'a l'air bon aussi, hein? C'est 8 Cubed. On va tout de suite les entendre avec la pièce Work It Out, suivie de Smell the Coffee dans le poste d'écoute au 89.1 FM et ça commence juste là. Rip, rip, rip, rip. 89 FM. Cross the dance floor. Out. Formation canadienne 8Cube. Oh! Très très bon, on a entendu trois pièces. On a commencé avec Work It Out et Smell the Coffee. C'est juste vraiment très, très bon. On va continuer avec une autre sorte de musique complètement. C'est de la musique expérimentale. On va entendre la formation, en fait, de Filion et Lamirande, qui s'appelle Samarcande, trois synapses. Éric Filion et Sylvain Lamirande, voici Synapse numéro 1. Programmé, composé, mixé et produit par Filion et Lamirande entre décembre 2005 et avril 2008. Tout de suite dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. Ah, c'est fou, 89 FM. Past is left unspoken. s'intoniser le poste d'écoute, on est en train d'écouter une pièce d'Éric Filion et de Sylvain Lamirande. Il s'appelle Synapse numéro 1. On écoute encore un petit bout, on passe en pub et on revient avec une deuxième pièce, Synapse numéro 2, au 89 FM. C'est fou ça! On vient d'entendre deux pièces de Filion Lamirande. Ça, c'est Éric Filion et Sylvain Lamirande. Ça vient de leur album 3 Synapses, Samarcande. L'album au complet dure 52 minutes en seulement 3 pièces, donc 24 minutes, 19 minutes et 9 minutes. Programmé, composé, mixé et produit par Filion Lamirande entre décembre 2005 et avril 2008. Masterisé par Sylvain Lamirande au Samarcande Studio avec musicien invité Cathy Thibault. Les paroles sur Synapse numéro 1 et les voix sur Synapse numéro 2 pour cette Cathy Thibault. Voilà. Only Dead Fish Swim With The Stream. C'est une citation qui est écrite sur leur album. C'est de la musique expérimentale. C'est très, très différent. C'est pas la musique qui joue nécessairement beaucoup. Assez fou, mais c'est bien d'avoir un petit peu de variété ici dans le poste d'écoute où on découvre tous les nouveaux CD reçus Assez Fou pendant la semaine. Voilà. Donc, on a entendu les deux premières pièces, Synapse numéro 1 et Synapse numéro 2, en partie. Maintenant, on passe à de la musique canadienne. On s'en va entendre la formation Quincy. L'album s'appelle One Boy's Guide to the Moon. Et tout de suite, voici Even You au 89.1 FM. C'est tellement fou, ça. Tellement. 89.1 FM, c'est fou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. Et unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. Blood. D'écoute. Ever tight, I'll stay awake. I'll stay awake. Now that the time it takes to see it is the time it takes to rot. Now that the landscape is unending, you gotta give it all you got. I'll stay. vos oreilles. Formation canadienne avec la pièce de Steady Hand, précédée de Stampeder et de Even You, de leur nouvel album One Boy's Guide to the Moon. C'est sorti depuis fin juin. Nouvelle EP de cette formation de Winnipeg au Manitoba, de Power Pop Rock, Quincy.ca ou encore myspace.com/Quincy, Q-U-I-N-Z-Y. David Pankratz, Sandy Torono, Jason Pankratz, James Torono et puis c'est après ça pour le band de Quincy. myspace.com/Quincy ou Quincy.ca, je le rappelle. Leur album s'appelle One Boy's Guide to the Moon. C'est un des albums que j'ai beaucoup aimé cette semaine. J'ai mis un petit cœur à côté comme certains albums. Allez voir lunechance.com si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que moi j'ai aimé. www.unechance.com, c'est là-dessus que vous allez trouver tous les liens de tous les artistes de chaque émission du poste d'écoute. Vous allez aussi pouvoir télécharger la balado-diffusion en MP3 chaque semaine. Pourquoi donc pas? On passe maintenant à quelque chose d'alternatif. Ça s'appelle Amniotic. C'est l'album éponyme de cette formation qui s'appelle aussi Amniotic. Les pièces sont très longues. On va entendre Despaired, mais juste avant, voici Sirène. C'est un groupe de France. Oui. Je chante pas en français, par exemple. C'est ce que je pense. Je pense pas. On l'aurait mis en francophone, sinon, ça faut être logique quand même. Hein? C'est une idée de poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour encore 15 minutes au 89.1 FM. C'est fou, ça! We'll be right back. C'est fou depuis 10 ans. 89 FM. I've put my feelings Amiatique avec Despaired, précédé de Sirène, ça vient de l'album éponyme, c'est heavy. C'était bon, quand même. Donc, c'est déjà la fin de cette émission du Poste d'écoute. Faisons un petit résumé de ce que j'ai aimé cette semaine pour déterminer qui est mon poste d'or. Donc, j'ai aimé Archive avec Lights, j'ai aimé Full Static avec en mode Jet Set, j'ai aimé Best Before Holocaust avec leur album éponyme, il y avait aussi 8 Cube avec leur album éponyme aussi, et finalement Quincy qu'on a entendu il y a quelques minutes avec One Boy's Guide to the Moon. Mais l'album que j'ai le plus aimé, c'est un album d'électronique, c'est le Radio Demo de Supermarket. On va d'ailleurs se quitter avec une quatrième pièce de leur part, c'est Casio Nassis. Donc ce groupe de Adelaide en Australie. Si vous les aimez, allez voir reverbnation.com/supermarket ou encore danimations.com.au/supermarket. Nous, bon, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis matins en direct à 10h. On rappelle les lundis de 17h à 20h. En fait, c'est pas mal ça pour cette semaine. Pas de rediffusion le samedi. On se retrouve aussi à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les mardis à 10h. Et au Palmarès C'est fou, les vendredis soirs à partir de 17h. Donc, soyez là avec moi. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. Alain Lefebvre suit avec Rock Classique les vendredis à 13h de la part de toute l'équipe fictive du Poste d'écoute. Faites attention aux genoux. Bonne semaine et bonne chance!